Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, 2001, l'Odyssée de l'espace, un film majeur de l'histoire du cinéma, mais aussi l'un des plus énigmatiques. Un film qui s'ouvre à l'aube de l'humanité pour s'achever sur la vision d'un fœtus astral aux confins de l'espace. Un voyage métaphysique que l'on doit au réalisateur Stanley Kubrick, célébré pour des films comme Orange Mécanique, Barry Lyndon ou Shining. Perfectionniste maniaque et génial inventeur de formes, il n'a réalisé que 13 films en 40 ans de carrière. 2001, film d'art et d'essai au budget de super-production, mettra 4 ans à voir le jour, sur fond de guerre menée par les Américains et les Soviétiques pour la conquête de l'espace. Aujourd'hui, au moment où les Chinois se lancent dans l'aventure spatiale, où le rover Perseverance, envoyé par les Américains sur Mars, multiplie les témoignages photographiques sur la planète rouge et que des voyages vers Jupiter sont à l'étude, retour sur un film qui continue de briller comme une étoile lointaine dans la galaxie cinématographique et qui fait toujours objet de débat. Notre invité aujourd'hui, Laurent Vachaud, critique de cinéma et ancien rédacteur pour le magazine Positif, aujourd'hui scénariste des Femmes de l'ombre, par exemple, ou du film Arsène Lupin, avec Romain Duris. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Vincent Lebrun, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Projet 2001, l'Odyssée de l'espace, remonte à 1964, lorsque Stanley Kubrick émet le désir de réaliser un film sur l'intelligence extraterrestre. Il se fait dresser par un assistant une liste des 50 plus grands écrivains de science-fiction avec qui il pourrait collaborer. Mais Roger Carras, alors attaché de presse à la Columbia, et qui deviendra un fidèle de Kubrick, lui conseille de faire appel à celui qu'il considère comme le meilleur d'entre eux, Arthur Clarke, qui s'est fait connaître en mettant au point les premiers satellites géostationnaires. C'est également un auteur scientifique et un futurologue réputé. Disons-le tout net, Clarke est un maître de la science-fiction dite « dure », autrement dit, qui place très haut la question du plausible scientifique. Autant dire que ses écrits prennent leur source aux théories et aux découvertes les plus pointues. Clarke vit à Ceylan, devenu Sri Lanka. Il voyage peu, sort peu et consacre son temps à l'écriture et à la plongée sous-marine. En mars 1964, Kubrick lui écrit pour lui soumettre ses intentions. Il veut faire le film de science-fiction, sous-entendu, celui qui dépassera tous les autres. Il y aborderait les raisons de croire à une vie extraterrestre intelligente et l'impact qu'une telle découverte aurait sur la Terre dans un proche avenir. Ce serait, espère Kubrick, un film d'une grandeur mythique et qui, en même temps, se voudra réaliste, comme le confirme Clarke lui-même. Stanley Kubrick avait dès le début une idée très claire de son but ultime et cherchait le meilleur moyen de l'approcher dans le film. Notre principal problème était de créer une histoire qui ne serait pas dépassée ou pire, ridiculisée par les événements des années à venir. À l'époque, Stanley Kubrick est un cinéaste mondialement acclamé. Sa réputation n'est plus à faire. On dit de lui que c'est un génie tyrannique, obsessionnel, compulsif, un control freak, qui a un goût immodéré pour le secret. Et chacun de ses films, jusque-là, peut être considéré comme un chef-d'œuvre, effectivement. Les Sentiers de la Loire, réquisitoire pacifiste sur la guerre 14-18, Spartacus, sa fresque antique, Lolita, drame sulfureux d'après Nabokov, Docteur Folamour, farce sur la guerre froide, et encore, on n'avait pas tout vu. Succédera ainsi à 2001 l'immense, l'insurpassable Barry Lyndon, œuvre prodigieuse qui atteint des sommets de perfection tant au niveau du scénario que du casting, de la musique bien sûr, celle que vous entendez là en ce moment, et des éclairages, la bougie. De toute façon, à chaque fois, Kubrick révolutionne le genre qu'il aborde. Mais ce qu'il a en tête avec 2001, l'Odyssée de l'espace, dépasse cette fois et de loin tout ce qu'il a réalisé jusque-là. Le 22 avril 1964, Clarke et Kubrick se rencontrent dans l'une des succursales de la chaîne de restaurants préférée du cinéaste, Trader Vic's, qui sert de la nourriture polynésienne dont le cinéaste raffole. Alors il parle science-fiction pendant des heures. Le courant passe et les discussions se poursuivent pendant 6 semaines. Tous les deux décident de baser leur futur scénario sur plusieurs nouvelles écrites par Clarke, dont l'une, qui date de 1948, est intitulée « La Sentinelle ». Dans ce récit, situé en 1996, une équipe d'astronautes fait la découverte sur la Lune d'un objet de forme pyramidale dont l'origine semble dater de plusieurs millions d'années et qui porterait la marque d'une intervention extraterrestre. L'idée contenue dans la nouvelle, que nous ne sommes peut-être pas les seuls dans l'univers, met Clarke et Kubrick d'accord. Dans ses mémoires, Clarke écrit. Nous ne voulions pas aller trop loin dans l'espace et le temps parce que ce qui nous semblait intéressant était la prise de conscience par l'homme d'une vie extraterrestre et le premier contact avec cette intelligence. Au-delà de ce stade, dans l'état actuel de nos connaissances, l'esprit humain est désorienté. Les deux hommes s'entendent sur le principe. Tandis que Kubrick se consacrera à son film, l'écrivain signera la version littéraire. Lors d'une visite à l'exposition universelle, l'écrivain et le cinéaste sont impressionnés par un documentaire produit par la NASA, intitulé « Jusqu'à la Lune et au-delà ». Parmi les techniciens qui ont participé à ce travail, Douglas Trumbull convainc Kubrick qu'il aura raison de lui pour son futur film. Trumbull créera plus tard les effets spéciaux de rencontre du troisième type et supervisera ceux de Blade Runner, un spécialiste quoi. Kubrick demande alors à Karras, devenu entre-temps son chef de la publicité, de lui fournir tous les livres disponibles sur le voyage dans l'espace. Il en existe une bonne centaine et la petite histoire raconte que Kubrick les lira tous. Les deux visionnent également tous les films de science-fiction réalisés jusqu'à présent. Mais pour un chef-d'œuvre indiscutable comme l'immense métropolis de Fritz Lang en 1927, le genre très florissant dans les années 50-60 a enfanté beaucoup de films médiocres. On y voit le plus souvent des extraterrestres en aluminium évoluer dans des décors en carton-pâte. Le cinéma de science-fiction n'est pas pris au sérieux par les cinéastes. Et c'est tout le contraire, justement, de ce qu'ambitionne Kubrick, dont le projet est de réaliser une sorte de documentaire sur l'espace aux dimensions mythologiques. À cet égard, le titre « 2001, l'Odyssée de l'espace » renvoie à Homère et au voyage d'Ulysse. Comme il l'expliquera un jour, pour les Grecs, la vaste étendue des mers devait représenter la même sorte de mystère que l'espace pour notre génération. Pour s'approcher au plus près de la vérité scientifique qu'il recherche, Kubrick consulte une pléiade d'experts, astronomes, physiciens, informaticiens. Il campe littéralement à la NASA pour faire du film qu'il a en tête la référence dans le genre. Il obtient aussi un entretien avec Marvin Minsky, le directeur du laboratoire d'intelligence artificielle du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, avec qui il discute des capacités des ordinateurs de l'an 2000. Pour se faire une idée de l'exigence de Kubrick, écoutons ce qu'en disait l'écrivain de cinéma Michel Simon en 2011 à l'Institut Lumière de Lyon. Il travaille chez lui, dans cette maison où il habitait, où il avait une salle de projection, un atelier de montage, etc. Et donc, il contrôlait tout. Mieux qu'aucun cinéaste ne le fait, il contrôlait les affiches, il contrôlait les salles où allaient être projetés ses films, il contrôlait la publicité, il contrôlait le tirage des copies, le doublage, il se faisait envoyer les voix pour chaque pays pour choisir l'acteur qui allait faire le doublage. Donc il avait le contrôle absolu de son cinéma comme un metteur en scène indépendant qui ferait son petit film. Sauf que pour cela, il avait tout l'argent dont il pouvait disposer. Clarke et Kubrick commencent à écrire ensemble. Ils rédigent un premier document, l'histoire du film, qui fait la bagatelle de 130 pages. L'écrivain s'installe au Chelsea Hotel de New York, la Mecque, pour de nombreux intellectuels qui en ont fait sa réputation, et il s'attelle au scénario. Il est tellement enthousiaste qu'il n'hésite pas à laisser libre cours à son imagination. Mais, invariablement, Kubrick trouve les idées de son co-auteur trop fantasques, et il les jette à la poubelle. Car il ne veut pas dévier du réalisme scrupuleux qu'il envisage pour son film, qui doit traduire fidèlement l'avancée scientifique et intellectuelle de la conquête spatiale. Kubrick se méfie de toute forme de singularité qui ne reposerait pas sur quelque chose d'existant. Oui, comme il le confie au micro de Michel Simon en 75. Well, I think that one of the things that characterizes Je pense que l'une des grandes erreurs de l'art du XXe siècle is a obsession with total originality, you know, in painting, music. Et son obsession de l'originalité à tout prix. Even take, you know, people, innovators like Beethoven and so on. I mean, it isn't a complete departure from Même de grands novateurs comme Beethoven ne se coupaient pas totalement de l'art qui les précédait. Innover dans le domaine de la culture, c'est aller de l'avant. Sans abandonner la forme classique d'un art. Stanley Kubrick soumet le projet à la Metro-Goldwyn-Mayer, le studio déjà à l'origine de l'un de ses anciens films, Lolita. Mais le directeur de la MGM, Robert O'Brien, hésite. Les films à grand spectacle n'ont pas la cote. Le studio vient d'essuyer deux échecs récemment avec Les Révoltés du Bounty et L'Hôtel International qui ont généré un déficit de plus de 17 millions de dollars. Et David Lean, sur le tournage de Docteur Jivago, dépense sans compter. Pour sa part, Cléopâtre a ruiné la 20th Century Fox. Mais Kubrick somme O'Brien de répondre dans les trois jours. Sinon, eh bien, le proposera à d'autres studios. Le directeur de la MGM décide de se lancer dans l'aventure, à la condition que le film sorte en 1967, date prévue de la mission Apollo 1. Le 23 février 1965, la MGM publie un communiqué de deux pages pour annoncer le tournage de Voyage au-delà des étoiles, le premier titre envisagé par Kubrick pour le film, qui doit être tourné en cinérama. Un procédé qui utilise avec succès pour le western La Conquête de l'Ouest en 1962, un procédé qui nécessite qu'on tourne avec trois caméras et qu'on diffuse en salle avec trois projecteurs. Mais devant la lourdeur du procédé, Kubrick décide finalement de tourner en Super Panavision 70, soit le double du format standard, le 35 mm. L'avantage de tourner dans ce nouveau format, c'est qu'il s'adaptera ensuite parfaitement aux salles qui fonctionnent en cinérama, sans les contraintes techniques qui y sont associées. Carl, vous avez une énorme responsabilité dans ce voyage. On pourrait dire que vous portez la plus grande part des responsabilités confiées aux membres de ce vaisseau. Vous êtes en fait le cerveau et le système nerveux de l'astronef. Et vous êtes programmé aussi pour surveiller l'état des savants qui sont en hibernation. Vous est-il jamais arrivé de douter de vos capacités ? Permettez-moi de vous répondre en d'autres termes. La série de superordinateurs Carl est la plus perfectionnée que l'on connaisse. Aucun appareil de cette série n'a jamais fait d'erreur, ni même déformé un renseignement. Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis, parfaitement au point et incapables de nous tromper. La fameuse plaquette publicitaire de la MGM accumule des informations fausses. Le tournage devait commencer le 16 août 1965. Il débutera 4 mois plus tard. Il s'inspirerait, dit-on, d'un roman publié à l'hiver de la même année, mais le livre ne sortira que 3 ans plus tard. Il serait filmé en extérieur en Grande-Bretagne, en Suisse, en Afrique, en Allemagne et aux États-Unis. Il sera entièrement tourné en studio en Angleterre. À cet égard, le réalisateur français Yves Boisset est contacté à l'époque par Kubrick. Plus tard, en 2009, dans l'émission On aura tout vu, sur France Inter, il raconte son expérience avec Le Maître. À l'époque lointaine, au siècle dernier, j'étais assistant. J'avais été contacté par les producteurs de Stanley Kubrick pour faire des repérages pour lui. Et donc, je me suis retrouvé dans son manoir, dans la campagne près de Londres, près de l'aéroport de Heathrow. Et j'avais rendez-vous à 12h30 chez lui. Et je suis arrivé, bon, un majordome m'a fait attendre pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis m'a introduit auprès de Kubrick qui était en train de manger une omelette. Et il m'a dit, voilà, est-ce que vous connaissez la Lune ? Je lui dis non, enfin pas réellement. Il me dit, est-ce que vous avez une idée de où on pourrait tourner la Lune ? J'étais un peu pris de court, un peu désemparé. Je lui dis non, mais on peut chercher, puisqu'il m'a expliqué en deux phrases qu'il préparait un film qui s'appellerait 2001 Odyssée de l'espace et qui se passait sur une planète qui pourrait être la Lune. Et il m'a dit, bon ben très bien, trouvez-moi la Lune. J'ai été en Islande, j'ai été en Namibie, j'ai été à l'île de la Réunion dans la plaine des sables, au-dessous du volcan où il y a tous ces sables de couleurs différentes. J'ai fait des photos, je suis revenu avec une malle de documents et on m'a renvoyé voir Kubrick dans son château avec ma malle de documents et il m'a dit « bon, ben très bien, je vais regarder ça, au revoir ». J'ai dû rencontrer pour cette affaire de 2001 Odyssée de l'espace deux fois 5 minutes Kubrick. qui d'ailleurs, par la suite, comme vous le savez, a tourné le film intégralement en studio. Pendant 2 ans, Kubrick joue avec son scénariste à un vertigineux ping-pong de spéculations scientifiques. Et pendant que Clark reprend le scénario de 2001, le cinéaste se met à chercher des acteurs. Le problème, c'est que personne ne veut jouer dans un film où il n'y a rien à jouer. Où il n'y a que l'espace, un ordinateur de bord qui débloque, et de la nourriture lyophilisée dans des plateaux de cafétéria. La MGM suggère alors au réalisateur les noms d'Henri Fonda et même de Jean-Paul Belmondo. Mais Kubrick refuse. Lui, qui avait pourtant l'habitude de filmer des stars comme Kirk Douglas ou James Mason, préfère se tourner vers des acteurs méconnus du grand public. Keir Julia et Gary Lockwood, en l'occurrence. Récemment, le premier évoquait sa fierté d'avoir participé au film. Je savais que j'avais beaucoup de chance. J'étais heureux de travailler comme comédien pour Stanley Kubrick. Je faisais partie d'un chef-d'œuvre, comme une grande symphonie. En fait, Kubrick attache presque plus d'importance à trouver la voix qui incarnera l'ordinateur de bord, Al 9000 Carl, dans la version française, qu'au choix de ses acteurs. Il choisit Douglas Rain, qui lit les commentaires de nombreux documentaires de l'Office national du film du Canada et dont la voix monocorde et veloutée apportera une vraie plus-value au film. À ce propos, la légende veut que le nom de Al a été inspiré de celui d'IBM, dont le sigle apparaît à plusieurs reprises dans le film, car les lettres H-A et L précèdent immédiatement les lettres I, B et M dans l'alphabet. Et Kubrick et Clark ont toujours nié ce fait, HAL étant pour une abréviation de Heuristically Programmed Algorithmic Computer, soit ordinateur algorithmique à programmation heuristique, ce dernier mot signifiant qui sert à la découverte. Explorateur 1, ici la base de contrôle. Reçu les recommandations de Carl. D'accord sur votre proposition de replacer la première cellule jusqu'à son éventuelle défaillance. Nous devons cependant vous informer qu'une analyse préliminaire de vos calculs nous indique de façon formelle que votre superordinateur, Carl, a fait une erreur en prédisant la défaillance. Je répète, a fait une erreur en prédisant la défaillance. Je sais que la chose doit vous paraître incroyable, mais cette conclusion est basée sur les calculs donnés ici par le jumeau de votre superordinateur, Carl. Nous avons nous-mêmes des doutes sur la précision de cette analyse et nous effectuons une série de calculs de contrôle pour vérifier le résultat. Désolé de ce petit contretemps, messieurs. Nous vous tiendrons au courant dès que nos calculs sont terminés. Pour les acteurs qui joueront les singes de l'ouverture du film, Kubrick fait appel à des personnes minces et de petite taille qui devront se glisser dans des costumes à la fois lourds et ultra moulants, histoire de rendre leurs mouvements crédibles. Le film, rappelons-le, est produit dans un contexte de conquête spatiale qui depuis plus de 10 ans oppose les Américains aux Soviétiques. Un contexte marqué par les premiers vols dans l'espace de Yuri Gagarin en 1961 et de John Glenn en 1962. Compte tenu de l'accélération de la conquête spatiale et de l'imminence des vols habités sur la Lune, Stanley Kubrick est pressé de passer aux choses sérieuses et surtout, il ne tient pas à se faire prendre de vitesse. Thank you. Tournage du film 2001 L'Odyssée de l'espace débute le 29 décembre 1965. Il s'achèvera 7 mois plus tard. 130 techniciens sont mobilisés, dont 25 pour la conception des effets spéciaux, parmi lesquels certains travaillent habituellement pour l'industrie spatiale, justement. Plus de 30 personnes sont associées à la fabrication des décors, dont le design nous apparaît encore aujourd'hui d'un modernisme étonnant. Pour figurer la station Discovery, Kubrick fait construire une roue qui pèse 30 tonnes, mesure 12 mètres de diamètre sur 2 mètres de large et qui tourne sur elle-même à la vitesse de 5 km/h. Durant l'une de ces célèbres scènes du film, on y voit l'astronaute Poole courir tout autour de la roue en boxant dans le vide. L'effet est saisissant. On a parfois l'impression que l'acteur Gary Lockwood court la tête en bas. Pour cette scène, Douglas Trumbull met au point le premier motion control. Grâce à ce système, la caméra, montée sur rail et pilotée à distance, procédé qui va révolutionner le cinéma et dont George Lucas fera un grand usage pour son Star Wars. D'où vient l'écart entre tes calculs et ceux de ton jumeau à la base de contrôle? Il n'y a pas le moindre doute là-dessus, Dave. Cet écart ne peut être attribué qu'à une erreur humaine. Cela s'est déjà produit entre deux ordinateurs du même modèle. On a toujours constaté à la base une erreur humaine. Alors, Carl, il n'y a jamais eu jusqu'à aujourd'hui un seul exemple d'un superordinateur de la génération des Carl ayant fait une erreur, c'est ça? C'est inconcevable, Frank. Le superordinateur Carl est le summum de la perfection cybernétique. Oui, bien sûr, je connais les performances exceptionnelles des superordinateurs Carl, mais... Es-tu certain que jamais personne n'y a relevé l'erreur la plus insignifiante, la plus banale? En aucune circonstance, Frank. Franchement, à votre place, je ne m'inquiéterai pas à ce sujet. Kubrick exige que dans les scènes d'intérieur, il n'y ait jamais d'ombre. Alors, le chef opérateur, Geoffrey Hunsworth, déploie un maximum de kilowatts et d'imagination, mais un jour, sous la puissance des projecteurs, les vitres du studio explosent, provoquant un début d'incendie. On sauve quelques accessoires, dont le fameux monolithe du film. Wally Withers, le chef décorateur, lui, construit les maquettes des vaisseaux qui devront être filmés image par image. Il y en a de toutes les tailles, depuis le bus lunaire de 60 cm jusqu'à la navette Discovery. Pour la célèbre séquence du trip psychédélique vécu par Bowman à la fin du film, Douglas Trumbull, toujours lui, invente une tireuse optique baptisée le slit scan. Il s'agit d'un procédé informatique complexe, coûteux et long à réaliser. Une séquence de 10 secondes nécessite au minimum 240 manipulations et la scène du film dure 10 minutes. Faites le calcul. Pour les 50 ans de 2001, Douglas Trumbull se souvient. Tout ce film a été une gigantesque expérimentation. Je dirigeais le département des maquettes, l'animation des planètes. J'ai peint chaque étoile dans le film, mais j'ai surtout supervisé la création de la séquence de la Porte des Étoiles et élaboré la technique pour le défilement des images informatiques. C'est pour moi ma plus belle réussite. Pour les scènes de fin, il envoie un assistant filmer le Grand Canyon du Colorado et les Nouvelles Hébrides pour figurer les territoires traversés par Bowman, image dont il fait coloriser le négatif. Le coût du film enfle et de 5 millions prévus au départ, il passe à 10 millions, la moitié du budget de la mission Apollo. La post-production va donc pouvoir commencer. Elle durera 2 ans pour rendre crédible, toujours cette obsession d'être crédible, les images dans l'espace et mettre en œuvre des effets spéciaux réalistes dans 205 plans du film. Si 2001, l'Odyssée de l'espace, a à ce point marqué les esprits, c'est aussi parce que la musique joue un rôle déterminant. Lorsqu'ils travaillaient à l'écriture de scénarios, Stanley Kubrick et Arthur Clarke écoutaient le Carmina Burana de Karl Rove. Ils contactent le compositeur, mais celui-ci, âgé de 72 ans, décline. Un temps, Kubrick pense la confier cette musique au Pink Floyd, mais le groupe refuse. Dommage, mille fois dommage. Mais au fur et à mesure qu'il assemble les rushs, le cinéaste écoute de nombreuses musiques. Ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss, le Beau d'Alu Bleu de Johann Strauss, ou encore le Requiem de Giorgi Ligeti. Il les associe aux images du film et s'aperçoit qu'elles collent parfaitement. Rien d'étonnant, cela dit, quand on sait que beaucoup de scènes ont été conçues comme des chorégraphies. Mais les producteurs du film ne veulent rien entendre et ils engagent alors Alex North, qui avait déjà travaillé avec le cinéaste sur Spartacus. North, pourtant atteint de graves problèmes de santé, travaille nuit et jour et compose 40 minutes de musique. Il présente son travail à Stanley Kubrick. Celui-ci décide de conserver les musiques qu'il avait testées pendant la post-production et ne juge pas nécessaire d'avertir Alex North. Il s'en ouvrira à Michel Simon dans Positif en 1972. À moins que vous ne vouliez pas de la musique pop, il est vain d'employer quelqu'un qui n'est pas l'égal d'un Mozart, d'un Beethoven ou d'un Strauss pour écrire une musique orchestrale. Parfois, il y a de la musique moderne intéressante, mais si vous voulez une musique d'orchestre, je ne sais pas qui va vous l'écrire. Quand la musique convient à un film, elle lui ajoute une dimension que rien d'autre ne pourrait lui donner. Tandis que Kubrick met la dernière touche à son film, le premier vol habité d'Apollo 1 qui devait avoir lieu en février 1965 se solde par un drame. Un accident au sol détruit la cabine tuant les trois astronautes, Grissom, Chaffee et White, tout là-haut dans leur cabine à plus de 100 mètres de hauteur au sommet de la monstrueuse fusée Saturne V. C'est un mal pour un bien pour le réalisateur, puisque les vols habités ne reprendront qu'en octobre 1968 avec Apollo 7, dans l'indifférence générale, avant la fabuleuse démonstration d'Apollo 8, qui pour la première fois emmènera des hommes autour de la Lune. Fin mars 68, Stanley Kubrick embarque avec sa famille sur le Queen Elizabeth, qui relie Londres à New York. Sur le bateau, il s'est fait installer une table de montage qui lui permet de procéder aux derniers ajustements. Le 2 avril, l'avant-première a lieu à l'Upton Theatre de Washington. Kubrick est angoissé. Les pontes du studio sont très nerveux. Le film a coûté cher et personne, en dehors de quelques membres de l'équipe, n'a vu une seule image, pas même le directeur de la MGM. Et décidément, 2001 ne ressemble à rien de ce qui a été vu auparavant. Il bouscule les canons esthétiques et dramatiques traditionnels et devient une véritable expérience sensorielle. Il s'ouvre à la préhistoire, sur la découverte par un groupe de singes d'un monolithe noir, et se poursuit par la plus belle ellipse temporelle de toute l'histoire du cinéma. Un os jeté en l'air par un singe, qui devient, par la grâce du montage, un vaisseau qui vogue dans l'espace au son du Beau d'Alu Bleu. 4 millions d'années se sont écoulées entre les deux plans. Aucun mot n'est échangé pendant les 25 premières minutes du film, ni pendant les 23 dernières. Sur les 2h44 que dure cette œuvre, d'une lenteur cotonneuse, 88 minutes donc se déroulent sans dialogue. 2001 est une longue symphonie silencieuse. Le personnage principal est un ordinateur qui se détraque peu à peu et le film s'achève dans une pièce mystérieuse où le seul astronaute survivant de la mission Jupiter est confronté à ses doubles vieillissants, tandis qu'un travelling nous fait pénétrer dans le monolithe noir qui a traversé le temps et l'espace. La toute dernière image du film est celle d'un fœtus astral géant qui flotte dans la galaxie. Il n'y a pas une seule opération sur ce vaisseau qui ne soit pas sous son contrôle direct. S'il était prouvé par A plus B qu'il a cessé de fonctionner normalement, il n'y aurait plus qu'à le déconnecter. C'est malheureusement mon avis. Il n'y aurait pas d'autre solution. Ce sera délicat. Ouais. Nous serions forcés de couper les circuits supérieurs de son cerveau sans affecter les cellules qui commandent ses fonctions purement automatiques et régulatrices. Nous aurions également à établir des procédures de transfert pour poursuivre notre mission avec un ordinateur à terre. Oui, mais c'est quand même moins grave que de laisser Karl contrôler l'astronef tout seul. La projection est un désastre. Plus de 200 personnes quittent la salle pendant la séance. Je n'ai jamais vu un public aussi agité, dira plus tard le cinéaste. L'acteur américain Wilkinson lance à la cantonade. Est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi ça parle, s'il vous plaît? Ray Bradbury, le pape de la SF, trouve le film barbant. Mais un autre homme ne cache pas sa déception, et c'est plus gênant. C'est Arthur Clarke lui-même, mécontent des coupes effectuées par Kubrick dans le scénario. Désormais, plus rien n'est expliqué. Ni le quadrilatère noir, ni la panne de Hall, ni la fin dans la salle mystérieuse, ni le fœtus. Aucun des éléments les plus cruciaux du film. Pourtant, quelques mois après l'avant-première, Clarke défendait 2001 à la télé française. C'est un film métaphysique, philosophique et même en quelque sorte religieux. C'est un film sur les rapports de l'homme avec l'univers, avec les forces supérieures de l'univers et, si vous voulez, avec Dieu. Il n'y a pas d'allusion directe à Dieu dans le film, et dans le livre, Dieu est seulement une notion implicite. Mais si quelqu'un veut voir dans ce film l'histoire des rapports de l'homme avec Dieu, je trouve qu'il en a tout à fait le droit. Globalement, la presse américaine n'est pas tendre. Le Los Angeles Times dénonce l'obscurantisme délibéré de la fin du film, tandis que le New York Times considère qu'il est à la fois hypnotique et incroyablement ennuyeux. Quant à la grande critique new-yorkaise du Harper's Bazaar, Pauline Kael, elle stigmatise ce qu'elle appelle un monumental manque d'imagination. En France, on s'écharpe aussi, notamment au Masque et la Plume de France Inter. Il s'agit donc d'un film de Stanley Kubrick, un film de science-fiction, très important en cinérama. C'est plus que ça. Hyper cinérama. Non, c'est un film en 70 mm normal, oui. Qui est projeté au cinérama. C'est mais tout. C'est la... Marc Abreu. Tout ce qui est autour qui est grand. Ah oui, oui, oui. Oui. L'argent c'est d'abord dépensé, la somme considérable qui a été dépensée pour le film. Ensuite, c'est le film lui-même qui est assez fascinant. Ah, alors, les couleurs, Mardor. Oui, il me passionne totalement et sans réserve. Sans réserve, Jean-Louis Bourdin. Moi aussi, il me passionne totalement. Ah, parce comme j'y comprends rien, c'est merveilleux. Michel Aubryan. Moi, je le trouve d'une très grande niaiserie, je suis désolé. C'est alors, vrai, d'ailleurs. Ce aussi. Ne sont pas les milliards qui ont été dépensés qui me fascinent. Tout ça très niais, évidemment. Il y a des trucages. Bon, bah, l'espèce de métaphysique fumeuse et vasouillarde de ce film, je trouve ça, hélas, un petit peu pitoyable, mais c'est une opinion tout à fait personnelle. Soucieux de brouiller les pistes, Stanley Kubrick refuse d'expliquer son film. Dans une interview à Playboy, en septembre 1968, il déclare « J'ai tenté de créer une expérience visuelle qui aille au-delà des références verbales habituelles et qui pénètre directement le subconscient de son contenu émotionnel et philosophique. » J'ai eu l'intention de faire de mon film une expérience intensément subjective qui atteigne le spectateur au niveau le plus intérieur de sa conscience, juste comme le fait la musique. Est-ce que vous apprécieriez autant la Joconde aujourd'hui si Léonard de Vinci avait écrit en bas de son portrait « Cette dame sourit en pinçant les lèvres parce qu'elle a les dents pourries » ou « parce qu'elle cache un secret à son amant » La sortie américaine dans les salles de cinéma est prévue le 10 avril. Dépité par l'accueil qui a été fait à son film, Kubrick se remet au travail avec son monteur, Ray Lovejoy, et décide de couper 19 minutes du film, dont le prologue en noir et blanc, constitué d'entretiens avec des scientifiques, des politiques et des religieux. À la sortie, malgré les échos plus que défavorables, le public répond présent dans les salles américaines. Et on assiste à un phénomène cocasse. Des hordes de hippies fondent sur les cinémas et s'assoient au plus près de l'écran, fumant des joints pour apprécier pleinement le trouble hypnotique provoqué par le film. Un club d'admirateurs se forme très vite, de Roman Polanski à Federico Fellini, de John Lennon qui le voit chaque semaine à Mick Jagger. Charlie Chaplin raconte qu'il a pleuré d'émotion après la projection. Mais le plus beau compliment est sans doute celui du cosmonaute russe Alexis Leonov, le premier homme à avoir marché dans l'espace. J'ai maintenant l'impression d'avoir été deux fois dans l'espace après avoir vu 2001, dira-t-il. Un film qui par ailleurs fera recette. Il a amassé à ce jour 58,6 millions de dollars, soit près de 6 fois son budget. Et en France, il a attiré plus de 3 millions de spectateurs. L'année suivant sa sortie, 2001 sera nommé 4 fois aux Oscars, notamment pour la meilleure réalisation. Il ne décrochera que la statuette pour les effets spéciaux. Seul Oscar jamais obtenu par Kubrick durant toute sa carrière, ce qui est quand même un comble. Mais bon. Pourtant aujourd'hui, aucun doute n'est encore possible. 2001 est un chef-d'œuvre. Carl, est-ce que tu me reçois? Carl, est-ce que tu me reçois? Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5. Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Je crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu entends par là, Carl ? Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Carl. Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque. Dans la réalité, lancée le 21 décembre 1968, la mission Apollo 8 sera le premier vaisseau mis en orbite autour de la Lune. Et puis un beau jour de 1969, le 20 juillet... Ces mots historiques sont entendus sur Terre au même moment par 500 millions d'hommes. Jamais on n'avait construit une fusée aussi puissante. Saturn V, 110 mètres de haut, 3000 tonnes, pour arracher à l'attraction terrestre Apollo 11 et ses trois astronautes en route vers la Lune. En Floride, l'onde de choc fut ressentie à 80 km à la ronde du centre spatial Kennedy. L'année suivante, la capsule d'Apollo 13 sera baptisée Odyssée et les astronautes enverront des images avec en fond sonore les musiques du film de Kubrick. Au cinéaste, à 15 jours de 1968, un journaliste demandait si la vie sur la Lune serait possible en 2001. Il répondait : très probablement. Nous pourrons tirer de l'eau des rochers lunaires. Si l'on dispose d'une puissance nucléaire suffisante, nous pourrons broyer et souffler les roches et produire ainsi de l'eau. Et si on produit de l'eau, on peut produire de l'air. Aujourd'hui, on ne vit toujours pas sur la Lune, mais une agence d'architectes, Habibou Studios, travaille sur un projet de colonisation de Mars par plus d'un million d'humains pour 2100. On ne sera pas là pour le vérifier, mais toujours est-il que l'on sait aujourd'hui qu'un jour, la vie sur Terre sera invivable en raison du réchauffement climatique. Le célèbre astrophysicien Stephen Hawking l'a prévu. Il faudra quitter notre planète qui se transformera en boule de feu d'ici 2600. Et nous ne serons toujours pas là pour le voir. En attendant, vous avez tout loisir de voir et de revoir le film de Kubrick, dont on dit justement que dans le genre fiction, il y a un avant et un après 2001. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know. Tin can. Insubmersible 2001, l'Odyssée de l'espace, dont nous allons parler avec notre invité Laurent Vachaud. Bonjour. Bonjour. Critique de cinéma, ancien rédacteur pour le magazine Positif. Vous êtes maintenant scénariste. Stanley Kubrick n'a réalisé que 13 films en 40 ans, si l'on compare à Woody Allen. Et lui, il a signé un film par an depuis plus de 50 ans. Alors 13 films, c'est très peu. Pourquoi Kubrick s'est-il fait si rare ? Alors je pense que ça, il avait de plus en plus, en tout cas vers les dernières années, de mal à trouver un sujet qui le passionne au point de consacrer parfois jusqu'à 2, 3, 4, 5 ans de sa vie, parce que les intervalles de temps entre pendant deux films sont allés en augmentant. Je veux dire, c'est quand vous avez 2001 Orange Mécanique, ça va encore, il y a 3 ans, mais vers la fin, entre Eyes Wide Shut et Full Metal Jacket, il y avait 12 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'il a rien fait pendant 12 ans, il a travaillé sur plusieurs projets qui n'ont pas abouti, mais il notamment avait le parfum, je crois qu'il voulait mettre. Alors ça, c'est ce qu'on dit, mais c'est pas vrai. Non. Moi, j'ai fait une enquête. Il avait lu le livre apparemment, mais il a jamais demandé les droits. En tout cas, il y a un autre mythe aussi. On disait que le pendule de Foucault, d'Umberto Eco, oui, il avait demandé les droits, mais il paraît que c'est pas vrai non plus, parce qu'on raconte beaucoup de choses fausses aussi sur Kubrick. Bon, peut-être que Kubrick pensait que la rareté fait la qualité aussi. Je pense qu'il a, enfin en tout cas, moi j'avais interviewé sa femme une fois, sa veuve, donc Christiane, et elle disait qu'il souffrait de pas avoir fait plus de films, c'est-à-dire qu'il regrettait sa lenteur, quoi. Mais je pense que ça faisait partie de son processus créatif. Il pouvait pas fonctionner autrement. C'est quelqu'un qui prenait beaucoup de temps pour préparer, pour tourner, pour monter, et parce que, comme vous l'avez dit, il avait une soif de perfection. Donc et il y avait quelque chose aussi dans son, encore une fois, processus créatif, c'est que c'est pas quelqu'un qui fait juste un film compréhensible à un niveau, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs strates, c'est-à-dire quand vous voyez même Shining, quand vous voyez Eyes Wide Shut, c'est pas des films qui ont un seul point d'entrée, qu'on peut résumer à une seule phrase, c'est-à-dire qu'il y a et faire ça c'est très long. C'est-à-dire, c'est épuisant, et je pense que c'est ce qui l'a tué à la fin aussi. C'est-à-dire, c'est un boulot énorme et qui vous consume littéralement. Les contempteurs du film disent, oui, bien sûr, c'est esthétique, personne ne veut dire le contraire, mais on n'y comprend rien. Bah, écoutez, il y a certains spectacles de danse contemporaine, par exemple, où on ne comprend pas vraiment ce qui est dit, mais on s'en fiche, c'est tellement beau, on se laisse porter. Est-ce qu'on pourrait pas avoir la même démarche, plus simple, pour 2001, se laisser simplement emporter? Oui, mais je pense qu'à l'époque, si vous voulez, dans la fin des années 60, en tout cas dans le cinéma américain et le cinéma hollywoodien à grand spectacle, c'était pas quand même quelque chose de fréquent de voir un film qui gardait autant de mystères, parce que les Américains aiment bien qu'on explique. Donc c'était plus vrai, par exemple, quand vous regardez les films d'Alain Resnais l'année dernière à Marianne Bad, des choses comme ça. Oui, effectivement, on peut dire on n'y comprend rien, mais c'est pas le même budget et c'est pas le même genre de cinéma non plus. Donc, mais on peut dire une chose de 2001, c'est que moi je trouve que c'est devenu, comme vous dites, il y a un avant et un après 2001, mais il n'y a jamais eu à nouveau un film comme 2001. C'est-à-dire que c'est un film qui a fait un film qui a fait rentrer la science-fiction, le cinéma de science-fiction dans un autre âge, puisqu'il a eu accès. C'est un cinéma qui avant était souvent un cinéma de série B, qui fonctionnait avec des maquettes très très rudimentaires. Mais avec 2001, c'est entré dans le cinéma de catégorie A, c'est-à-dire que des énormes budgets ont été consacrés à ce genre de film, mais qui sont devenus après très infantiles, parce que j'aime bien Star Wars ou des films comme ça, mais c'est absolument pas comparable à 2001 dans l'ambition, mais c'est comparable sur le plan du budget. Est-ce qu'on peut dire que 2001 est le film le plus cérébral de Kubrick ? Oh, je sais pas. Oui, je pense que, en tout cas, c'est le plus radical. C'est-à-dire que il est plus jamais allé aussi loin dans l'hermétique ou dans le mystère. C'est-à-dire que ces films d'après, quand même, s'inscrivent dans des genres plus traditionnels, sont en tout cas plus accessibles au grand public. C'est-à-dire, peut-être avec l'exception peut-être d'Eyes Wide Shut à la fin, mais qui est pas un film complètement achevé pour moi, puisqu'il est mort avant que le film soit sorti, il a pas fait le mixage, par exemple. Mais je pense, vous voyez, par exemple, Barry Lyndon est un film que moi je considère être le meilleur film de Kubrick, celui qui me touche le plus personnellement. Mais je pense que 2001 et Barry Lyndon sont ses deux plus grands films, parce qu'ils sont extrêmement radicaux pour des raisons différentes. Mais l'échec de Barry Lyndon, parce que Barry Lyndon a été un énorme échec en Amérique et en Angleterre, l'a après conduit à être finalement moins radical dans son approche, puisqu'il a fait Shining, qui était tiré d'un roman de Stephen King. Il voulait avoir un très grand succès après ça. Parce que tous les films de Kubrick ne se ressemblent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. On a même parfois l'impression qu'il a voulu embrasser le monde dans sa totalité. Alors, avec le film en costume et historique, Barry Lyndon, deux films sur la guerre du Vietnam, Full Metal Jacket, sur la guerre tout court, Les Sentiers de la Gloire. D'ailleurs, on s'y arrêtera, parce que c'est une vraie affaire sensible, hein, Les Sentiers de la Gloire, qui a été interdit en France parce qu'il montrait les fusillés pour l'exemple au sein de l'armée française. Et je vous inviterai d'ailleurs, on essaiera de faire un... Il n'a pas été interdit en France. Ils ne l'ont pas présenté au comité de censure parce qu'ils se doutaient qu'il y aurait probablement une interdiction. Ça sera une affaire sensible qu'on développera avec vous si vous voulez. Mais alors, je peux vous dire que simplement quand vous dites que les films sont tous différents, c'est vrai. À chaque fois, il a été un des premiers vraiment à traiter systématiquement un genre différent, un genre cinématographique, parce qu'il partait d'un livre à chaque fois. Il choisissait un univers souvent complètement opposé à celui du précédent. Mais si vous regardez bien les films, quand vous les examinez bien, et surtout, moi je pense à partir de Docteur Follamour, parce que avant Docteur Follamour, c'est des films, des très bons films, mais qui sont pas extrêmement différents des autres films qui sortaient à l'époque. Vous voyez, vous voyez The Killing, il y a Asphalt Jungle. Ultima Razzia, c'était quand même différent. Ça a servi de modèle, je crois, à Reservoir Dogs de Tarantino. Oui, parce qu'il bousculait la chronologie. Mais pour moi, c'est vraiment à partir de Docteur Follamour que l'œuvre décolle. Et si vous regardez bien tous ces films, c'est toujours des histoires où une humanité ou un personnage est dominé par un ordre supérieur. C'est-à-dire, c'est qu'il est un peu comme l'œil de la Providence et qu'il regarde et qu'il le vide de son humanité. Vous pouvez même voir Barry Lyndon comme ça, puisqu'il y a cette espèce de voix prescience du narrateur qui a l'air d'être la voix de la Providence et qui sait comment les choses vont arriver, alors que Barry a l'air d'avoir, disons, le libre arbitre sur sa destinée. Oui, c'est un film sur le déterminisme, voilà, totalement. Et Kubrick, en fait, pense qu'on ne devient, on déshumanise quelqu'un quand on lui retire le libre arbitre. Et ça, c'est le thème, par exemple, d'Orange Mécanique. Oui. Mais disons que vous pouvez voir un peu, quand même, la même thématique, même dans Eyes Wide Shut, où vous voyez ce personnage du Dr. Bill joué par Tom Cruise, avec cette espèce de confrérie, de secte à laquelle appartient Cinépolak, qui est un ordre supérieur et qui le contrôle un peu d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'après il a donné un peu, il a fait l'objet d'autant d'interprétations souvent farfelues de théoriciens de la conspiration, par exemple. Vous voyez, alors oui, l'Apollo 11, l'histoire d'Apollo 11, voilà. Ça on peut le rappeler, terrible. Bah, c'est-à-dire, oui, il y a une théorie de la conspiration qui court maintenant carrément depuis la sortie de 2001. Et surtout, ça s'est accentué au moment de la sortie de Barry Lyndon. Parce que Barry Lyndon a utilisé un objectif pour filmer à la lueur des bougies, qui avait été conçu par la NASA et qui était un objectif qui était utilisé par les satellites. Et lui, il a construit une caméra autour. Mais on disait, en gros, qu'il y avait une sorte de lien entre Kubrick et la NASA, parce que, en gros, Kubrick aurait filmé les scènes des astronautes sur la Lune, tout aurait été reconstitué dans un studio. Alors c'est plus subtil que ça chez les conspirationnistes, c'est-à-dire ils disent pas que ce qu'on a vu était entièrement une reconstitution d'un studio, mais que les photos qui ont été livrées étaient... Ils disent pas qu'ils sont pas allés sur la Lune, ils disent simplement que les documents étaient trop mauvais et que en fait, pour que ce soit parfait, on a demandé à Kubrick de filmer dans un studio pour que vraiment ce soit très très beau, alors qu'il était soi-disant en train de quand même de... Il venait de filmer l'Odyssée de l'espace. Donc, comment il y aurait agi d'ailleurs Kubrick? Moi j'ai parlé avec un de ses assistants monteurs qui s'appelle Gordon Stainforth, qui travaillait sur Shining à l'époque, et il me racontait qu'il travaillait avec Kubrick donc tous les jours à l'époque, et il dînait chez lui le soir parce que ça se passait chez lui le montage, et il lui avait raconté pour la première fois, lui était très jeune à l'époque, je crois qu'il avait une vingtaine d'années Gordon, et il lui disait que franchement qu'il commençait à en avoir marre d'entendre cette histoire, et il disait mais comment ils auraient pu croire que comment j'aurais pu faire ça et que ça reste secret, quoi. C'est-à-dire qu'il était complètement dépassé. Mais même encore aujourd'hui, il y a X vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment Stanley Kubrick a filmé les premiers pas de l'homme sur la Lune. Quoi. C'était un fan de la Steadicam. Ouais. Quand est-ce qu'il l'a utilisé? Parce qu'il vraiment, il est très fan de cette technique. Non, ce qu'il faut voir, caméra, dans sa manière de l'approche kubrickienne du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il aimait traiter un nouveau sujet, il aimait créer un espace. C'est-à-dire un espace cinématographique, c'est-à-dire il fallait inventer un monde, c'est-à-dire recréer un monde. Donc Full Metal Jacket, il a trouvé cette usine au nord de Londres où il a reconstitué le Vietnam là-dedans. Oui. Barry Lyndon, il fallait réinventer l'espace des tableaux du XVIIIe siècle. The Gainsborough, voilà, faire comme si on faisait un documentaire, comme si on était retransporté dans le temps au XVIIIe siècle. Shining, il fallait créer cette espèce d'hôtel qui était un labyrinthe. Et pour l'Odyssée de l'espace, bien sûr, il fallait réinventer à quoi ressemble un voyage au bout de l'univers. Donc c'était quand même un challenge. Et donc ça, cette notion de créer un espace, c'était quelque chose de moteur pour lui. Et en même temps, il fallait que ça s'accompagne souvent de la de l'expérimentation d'un nouveau jouet, c'est-à-dire d'une nouvelle technique. Voilà. Donc, Barry Lyndon, c'était cet objectif créé par la NASA qui permettait avec d'ouvrir l'objectif à fond pour pouvoir être à 0,7, je crois, pour pouvoir filmer des bougies. Et 2001, c'était les trucages pour pouvoir faire quelque chose qui ressemble quand même à ce que pourrait être vraiment un voyage dans les étoiles. Et Shining, ça a été vraiment pour lui une occasion, parce qu'il avait vu un petit film de démonstration d'un Steadicam, de l'inventeur du Steadicam, qui est quelqu'un qui s'appelle Garrett Brown, et qui avait filmé donc des plans assez spectaculaires de lui qui filmait une jeune femme, qui était sa petite amie de l'époque, Garrett Brown, qui montait les marches du musée de Philadelphie, qui sont les marches que Sylvester Stallone monte dans Rocky. D'accord. Et que Garrett Brown a filmé après, puisque c'est lui qui a filmé Rocky, avec quand il suit Sylvester Stallone. Donc Kubrick avait vu ce petit film qui datait de 74, je crois, et il était complètement estomaqué. Il s'est dit, il faudrait qu'un jour je puisse utiliser cette caméra. Et Shining, avec cet hôtel avec ses couloirs et tout ça, et le labyrinthe à la fin, a été pour lui, un bon moyen de tester ce jouet-là, parce que il n'a pas été le premier à utiliser le Steadicam. Il y a eu 2-3 films avant Marathon Man, En route pour la gloire, L'exorciste 2 de John Borman, mais lui a quand même tourné une très grande partie du film avec. Alors, il avait un grand souci, mais comme les grands cinéastes, tous, du son. Le son est une partie très importante du cinéma. Et, je pense notamment à titre d'exemple à la sensation donnée aux spectateurs dans Shining, quand le gamin arpente les couloirs et qui passe sur les dalles. Et là, ça crée vraiment c'est la succession une notion de d'angoisse. Fantastique. La succession de la moquette, du tapis, du plancher, Exactement. Et ça revient de façon lancinante. Comme ça crée un vrai effet. Et puis, il y a la musique. Alors, plus simplement, la musique de Barry Lyndon, somptueuse. Celle de 2001, fantastique. Il a vraiment un grand soin à la musique. Oui, parce que d'abord, c'était quelqu'un qui écoutait beaucoup de musique, et pas seulement de la musique classique, mais disons qu'il était devenu un grand connaisseur en musique classique. Et il avait un beau-frère, Jan Harlan, qui était donc d'origine allemande, comme sa femme, c'est le frère de sa femme, qui lui faisait découvrir des nouveaux enregistrements, notamment les enregistrements de Deutsche Grammophon à l'époque, et les disques de symphonie de Herbert von Karajan, qui était vraiment le conducteur, le chef d'orchestre préféré de Kubrick. Et donc, il avait aussi, on peut le dire, sur 2001, c'était le frère de Jane Birkin, qui s'appelle Andrew Birkin, qui était son jeune assistant et qui lui trouvait aussi des musiques comme ça. Donc, au cinéma, quand on n'a pas encore la musique du film, on fait ce qui s'appelle des temp tracks, c'est-à-dire qu'on choisit de la musique préexistante, alors souvent de la musique classique ou peut-être même de la musique d'un autre film, et on monte le film avec ces temp tracks. Et le problème, c'est que souvent les cinéastes s'habituent à cette temp track, et quand ils écoutent finalement la musique originale que le compositeur a composée, et bien finalement ils se sont tellement habitués à la temp track qu'ils trouvent ça moins bien. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec l'Odyssée de l'espace, puisque Kubrick avait mis le beau Danube bleu, Zarathoustra, et finalement il trouvait ce que Alex North avait composé beaucoup moins bien. Ce qu'il vous dit tout à l'heure. Il le dit Et donc il y avait quand même aussi, il faut voir, dans cette utilisation du beau Danube bleu, qui aujourd'hui, moi je trouve, est quasiment, ça fait penser à 2001 dès qu'on entend cette musique. Maintenant, oui. Et parce que c'était cette idée comme ça de la roue du Prater de Vienne, puisque et la valse. Et pour Kubrick, l'univers, la façon de représenter l'univers, la vie dans l'univers, c'était de montrer que tout tourne. C'est-à-dire, il fallait montrer des choses en rotation. Et c'est cette première séquence quand on voit juste après l'aube de l'humanité vie dans 2001 et on voit les astronefs qui valsent. Merci infiniment, Laurent Vachaud. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, 2001, l'Odyssée de l'espace, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont.